Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, on entreprend le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, et ça va être notre dernière semaine ensemble sur l'Épître aux Hébreux. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, c'est merveilleux de voir que nous avons tout ce que nous avons besoin de savoir dans les Écritures. Tout ce que nous avons besoin de connaître à ton sujet, au sujet de ton Fils, au sujet de ton plan pour le monde, pour ton Église, nous l'avons. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses, encore ce matin, nous diriger par tes Écritures, nous aider par ton Esprit Saint à bien comprendre ce que tu veux nous dire afin que nous puissions être le peuple qui va te glorifier, qui va te servir, qui va te louer, qui va te présenter au monde tel que tu t'es révélé. Conduis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous me permettez de résumer, pendant 10 chapitres, les 10 premiers, l'auteur prend le temps de démontrer la supériorité de Jésus sur qui que ce soit et quoi que ce soit. Il va se servir de l'Ancien Testament, parce que pour ses lecteurs, l'Ancien Testament a une grande autorité. Il va se servir de l'Ancien Testament parce que c'est là que toutes les prophéties concernant le Christ, le Messie, le prophète, le sacrificateur qui devait venir, se trouvent. Et il se sert surtout de l'Ancien Testament pour démontrer à ses lecteurs qui voulaient retourner à l'Ancien Testament qu'ils font une erreur, mais que l'Ancien Testament annonçait, prophétisait avec plein de promesses la nouvelle alliance, le Nouveau Testament qu'on appelle ordinairement. Il les appelle à garder la foi. Et si vous cherchez le mot persévérer, vous allez voir que le mot persévérer revient à plusieurs reprises. Ensuite, au chapitre 11, il démontre que la foi sans la persévérance ne sert de rien. Il va utiliser des dizaines d'hommes et de femmes de l'Ancien Testament pour démontrer que ces hommes et ces femmes-là ont eu la foi, mais la foi jusque dans la mort. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont commencé à croire en Dieu et ils ont cru jusqu'à la fin de leur vie. Et même l'auteur dit, même s'ils n'ont pas vu une grande partie des promesses de Dieu s'accomplir de leur vivant, ils ont gardé la foi, croyant que ces promesses, ces prophéties étaient pour s'accomplir après leur départ. Et il appelle les croyants à faire de même. Jésus a fait des prophéties pendant qu'il était sur la terre. Les apôtres ont fait des prophéties pendant qu'ils écrivaient le Nouveau Testament. Et depuis 2000 ans, des croyants quitte ce monde sans avoir vu l'accomplissement de toutes les promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament concernant la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu au chapitre 12 que la foi que Dieu donne, la vraie foi, la foi des anciens, résiste à l'opposition, résiste au châtiment, résiste à la profanité et va résister aussi au jugement dernier. Ça veut dire que c'est cette foi-là qui va me sauver ou me perdre si je ne l'ai pas. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 13 que nous allons garder cette semaine. Et l'auteur va nous encourager, nous exhorter à dire non à ce monde, à dire non aux doctrines étrangères. Il va nous dire aussi quel doit être le comportement de l'Église envers les conducteurs de l'Église. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, chapitre 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien ». Que peut me faire un homme? Donc l'auteur ici va donner 5 exhortations à ses lecteurs. Mais il faut les lire et, je crois, rétrécir leur action à les auditeurs qui le reçoivent, ces exhortations-là. Si, je prends un exemple, si je vous parle pendant 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure sur d'être juste dans nos déclarations d'impôts, d'être honnête dans nos marchés, dans nos projets financiers. Et je vous parle de ça pendant une demi-heure. Si, au bout de la demi-heure, je vous dis, donc, si je résume ça, il faut apprendre à être honnête. Donc, je rétrécis l'honnêteté ici au côté financier, au côté monétaire, avec mes relations dans le gouvernement et avec mes associés, etc. C'est pareil ici. Quand l'auteur va encourager les croyants par ces 5 exhortations, on va essayer de les restreindre un peu à ceux qui le reçoivent, qui sont les Hébreux, qui sont en train de vivre des moments très difficiles dans leur vie au niveau du fait qu'ils voulaient abandonner ou rester dans la foi annoncée par Jésus-Christ et par les apôtres. La première exhortation, c'est persévérer dans l'amour fraternel. Et cette persévérance revient continuellement dans l'Épître aux Hébreux. Si je vous encourage, prenez une concordance et cherchez le mot persévérer, persévérance, et c'est synonyme dans l'Épître aux Hébreux. Et vous allez voir, c'est un thème qui revient quasiment à tous les chapitres. Persévérer dans l'amour fraternel. Donc, je peux pas persévérer dans quelque chose que j'ai pas commencé. Hein? Donc, ils avaient commencé l'amour fraternel, ça veut dire qu'ils avaient commencé des relations avec les croyants, ceux qui professaient comme eux la foi en Jésus-Christ comme moyen de salut. Donc, la persévérance dans l'amour fraternel, ça veut dire continuer à se rassembler avec les frères et de mettre nos capacités, nos talents, nos dons, et les utiliser pour les frères et sœurs. L'amour fraternel, si je peux dire même, a deux facettes. Un, si je continue à aimer les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, premièrement, je démontre ma foi, que ma foi est la même qu'eux autres, que je suis comme eux, un disciple, et si je prends l'expression ici, un frère, une sœur dans le Seigneur. Si je ne suis pas un enfant de Dieu, si je ne suis pas un disciple de Jésus-Christ, si je ne crois pas à l'enseignement des apôtres, je vais me séparer d'eux parce que m'attacher à eux va emmener des difficultés dans ma vie parce que nous sommes dans un temps de persécution et un temps de relations difficiles avec le monde si je suis un croyant. Pourquoi m'identifier comme croyant? Pourquoi côtoyer des croyants si j'en suis pas un? Deuxièmement, l'autre côté de la médaille, si je persévère dans la communion fraternelle, ça va m'aider à rester dans la foi. Pas dans la capacité de croire qui m'a été donnée par Dieu, mais dans le contenu de ma foi. En restant avec les frères, en jasant, en étudiant, en partageant, en vivant, je vais me stimuler, je vais étudier, je vais partager ma foi avec des gens qui vont dans la même direction que moi. Si je lis des livres chrétiens, si j'écoute des vidéos chrétiennes, si je parle avec des chrétiens, si je soupe avec des chrétiens, ça va m'encourager à persévérer dans la foi, en même temps que ça démontre ma foi. Donc, si je veux plus persévérer dans l'amour fraternel, j'ai un problème. Je crois que ce serait l'équivalent ici d'abandonner l'Église, l'abandonner les frères, rejeter l'Église, parce que je ne veux plus m'identifier avec ces gens-là. Donc, il dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Je ne sais pas qu'il était juste en train de dire ici, aidez-vous à déménager quand vous avez besoin, partagez vos outils quand vous avez de la construction. C'est pas juste ça. C'était, je crois qu'il y a une persévérance là. Donc, si je ne persévère pas, ça veut dire que j'abandonne les frères et sœurs. Et je dirais, comme je pense que c'est l'apôtre Jean qui dit, comment je pourrais démontrer mon amour pour Dieu si je n'aime pas les enfants de Dieu? Deuxièmement, au verset 2, il dit, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Donc ici, l'hospitalité, est dans ce contexte où est-ce qu'il y a de la prison, les gens se sont fait enlever leurs biens, il y a de la persécution, les gens fuient, les croyants fuient la persécution. C'est normal de parler d'hospitalité parce qu'il va y avoir un grand besoin à ce niveau-là. Comme on pourrait dire, il y a eu un grand besoin d'hospitalité au début des Actes des Apôtres, quand l'Église a commencé à Jérusalem. Grand besoin, et tout le monde partageait, tout le monde mettait leur maison, tout le monde mettait leur nourriture en commun, parce qu'il y avait un grand besoin d'hospitalité à ce moment-là dans l'histoire d'Église. Aujourd'hui, l'hospitalité, c'est plus difficile à comprendre, surtout pour nous qui sommes au Québec. Nous avons toutes nos autos, on se retourne toutes chez nous, on a toutes nos maisons, on a nos travaux, généralement, on a nos argents pour pourvoir à nos besoins en grande partie du temps. Donc, l'hospitalité, c'est pas juste recevez-vous à manger de temps en temps, mais c'était surtout aussi recevez ceux qui sont là et qui n'ont pas le nécessaire pour le logement et la nourriture. Et là, il dit quelque chose qui je me dis, car, là, il donne la raison, car certains ont logé des anges sans le savoir. Oh, il y aurait plein de questions là, qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Et j'ai l'impression qu'il fait référence à quelque chose dans l'Ancien Testament. J'ai l'impression. Quelle est l'utilité de recevoir des anges chez nous? Je ne sais même pas que c'est des anges. se sont certainement pas identifiés si je ne sais pas que c'est des anges. Ils m'ont rien dit de spécial. Ils m'ont pas dit qu'il y avait un message de la part de Dieu pour moi. Quelle utilité de recevoir des anges si je ne sais pas que c'est des anges? Mais je crois qu'il fait référence à l'Ancien Testament, comme Abraham qui avait reçu trois personnes et finalement il a découvert que c'était des anges. Lot qui a reçu des gens qui finalement il a su que c'était des anges. Je crois qu'il fait référence là que l'hospitalité a une grande place dans le peuple de Dieu. Vous pouvez y voir d'autres choses si vous voulez. Mais si moi, par exemple, si moi j'ai reçu des anges sans le savoir, ça change pas ma vie chrétienne, ça m'aide en rien, ça me pousse à rien, ça me stimule pas dans rien, je ne sais pas que j'ai reçu des anges. Donc avoir reçu des frères et sœurs ordinaires qui n'étaient pas des anges, ça aurait fait le même impact dans ma vie. Donc, si vous avez des suggestions par rapport à ça, ben vous me les partagerez. Médiocre, exercer l'hospitalité. Mais en exerçant l'hospitalité, qu'est-ce que je fais? Je démontre ainsi ma foi. Si je reçois des enfants de Dieu, des frères et sœurs qui ont été rejetés par le monde, qui sont persécutés par le monde, je m'identifie avec eux, donc je démontre ma foi aussi. Et je vais, ça continue dans le même sens du verset 1, persévérer dans l'amour fraternel. Troisièmement, il dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers, et ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même maltraités. Donc ici, je ne crois pas qu'il parle de maintenant, chaque église devrait avoir un ministère auprès des prisonniers dans les villes où il y a des prisons. C'est pas de ça, je crois, qu'il parle. Il parle, souvenez-vous des prisonniers, comme il avait déjà parlé, un peu plus tôt dans l'épître, d'aller les visiter et de prendre soin de ceux qui sont en prison. Parce que les prisons, si je comprends bien la culture à ce moment-là, les prisonniers, c'était leur famille qui s'occupait d'eux. Il n'y avait pas les prisons d'aujourd'hui avec les professeurs, puis les gyms, puis les télévisions, puis Internet, puis la nourriture, puis les cafétérias. Il n'y avait pas ça. C'était, tu étais en prison, mais c'est tes proches, c'est ta famille qui s'occupe de toi. Mais encore une fois, si je continue à visiter des prisonniers qui sont en prison à cause de leur foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire que moi, je m'identifie à eux. Je m'identifie à eux. Je crois pas que c'est juste un ministère ici d'aider nos semblables qui sont pauvres, qui sont maltraités, qui sont en prison. Donc, on fait du bénévolat. Je pense pas que c'est le bénévolat général dont on parle ici, mais le bénévolat envers ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, on s'occupe des prisonniers, on s'occupe des frères et sœurs qui sont maltraités, qui sont en prison, qui ont des difficultés, on prend soin d'eux autres. Toujours la même vérité, persévérer dans l'amour fraternel, exercer l'hospitalité, prenez soin de ceux qui sont maltraités et qui sont en prison. OK? Donc, je vois que mon temps est écoulé. Nous allons continuer demain, si vous voulez bien, à parler de ces exhortations-là. Ma vie de tous les jours, en tant que chrétien, c'est impossible, ça devrait en tout cas, que je dis, ben moi je vis ma vie chrétienne isolée, je parle pas à personne, je rencontre pas personne, je visite pas personne en tant que chrétien. Moi je te dis tout simplement, tu vas avoir certainement beaucoup de misère à vivre ta vie chrétienne. Beaucoup de misère. Parce que nous avons été créés spirituellement pour être dans une famille spirituelle, dans un corps spirituel, dans un peuple spirituel. Nous avons été sauvés et nous avons été ajoutés à l'Église, au corps de Jésus-Christ, pour vivre les uns avec les autres. Donc, c'est le plan de Dieu. Je préconise pas ici une forme de communion fraternelle, une forme de relation, mais c'est inévitable, les enfants de Dieu vont être en relation avec d'autres enfants de Dieu. Notre Père du ciel, merci. Merci de nous avoir donné un peuple, une assemblée, des frères et sœurs avec lesquels on va s'entraider, se motiver, s'encourager, s'enseigner, s'instruire mutuellement afin de persévérer jusqu'à la fin où ce que tu vas nous venir nous chercher pour nous emmener avec toi dans les nouveaux cieux et nouvelles terres pour qu'on puisse te servir et t'adorer face à face. Amen.